Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Bérine Kervran avec Marie-Yvonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Un thème et quatre épisodes pour 59 minutes de radio Coups humains. Cette semaine, l'inceste, une série de Johanna Bedeau réalisée par Marie-Laure Ciboulet. Alors pourquoi on vous raconte ça? Parce qu'il y a un an, une vague de témoignages portés par le hashtag MeTooInceste déferlait sur les réseaux et que le gouvernement mettait en place une commission indépendante sur l'inceste et les violences faites aux enfants, destinée à collecter des témoignages et à faire prendre conscience de l'effarante fréquence de l'inceste. Et dans vos oreilles aujourd'hui, des victimes d'inceste qui témoignent de ce qu'elles ont subi, des mécanismes de domination et des marques profondes. Mais pour commencer, premier épisode, les témoignages commencent et les oreilles sensibles peuvent s'éloigner. Il y avait un triangle incestuel, en tout cas, voire plus, entre ma grand-mère, la première des 9 enfants, et mon père, qui était le numéro 6 des 9 enfants. Je ne trouvais pas les mots qui correspondaient. Ma sœur et moi. La phrase ne se formait pas. Enfin, c'est des filles de ma cousine Marion, qui a été abusée sexuellement par mon père. Mais du côté maternel, c'est du côté de ma mère, c'est pas cette famille-là. Mais comme on était toujours ensemble, mon père a abusé aussi de l'autre côté, quoi. Là, j'étais déjà incestée. J'avais 7 ou 8 ans, 8 ans peut-être. Ma sœur, elle avait 6 ans, quoi. Elle a un an et demi de moins que moi. Il y en a 4 qui m'ont fait du mal. Enfin, 5. Il y a 4 personnes qui m'ont fait du mal dans toute ma famille. 2 frères, 2 cousins et ma mère. Je pensais que c'était l'un des deux. Elle a pas pleuré, Marie? Mais en avançant dans cette enquête, dans cette recherche... Je ne sais pas qu'elle n'est pas possible, mais elle pleure. J'ai compris qu'il y avait eu 2 périodes. Donc il y a la période bébé, évidemment. Alors là, c'est des flashs, c'est plein de choses qui remontent de plus en plus, mais que j'ai toujours su en me disant, mais non, j'étais complètement folle, Vanina, c'est des fantasmes et tout ça. Et en fait, non, ce n'est pas des fantasmes, donc... Il l'a fait sur moi, bébé. Je ne vois pas pourquoi il ne l'aurait pas fait sur ma sœur à ce moment-là. Mais peut-être qu'il ne l'a pas fait. Ma mère, elle a arrêté de pleurer il y a 20 ans. Et donc, moi, je me souvenais, en fait, de la période... C'est compliqué. Quand mes parents ont divorcé, donc à peu près de 6 ans et demi, par là. Ouais, c'est ça. J'étais en CP. Jusqu'à ce qu'il se marie avec ma belle-mère, donc quand j'avais 12 ans et demi, par là. Elle ne pouvait plus pleurer, elle était cassée. Elle était complètement cassée. Quand c'est sorti, elle n'arrivait plus à faire sortir des larmes. Et apparemment, en tout cas dans la deuxième période, mon père n'a pas abusé de ma sœur. J'étais la préférée. Comme c'est souvent dans ce genre d'histoire. Il y a des préférés, et du coup, c'est abominable parce qu'on se sent la préférée, quoi. Donc, il y a un côté où on est valorisé, mais cette valorisation est notre piège. L'inceste, la loi du silence. Johanna Bedeau, Marie-Laure Ciboulet. C'était quelqu'un de très aimé par beaucoup de gens, de très festif, de très tendre, de très câlin. Donc, c'était dans son tempérament. Marie. Et puis c'est vrai que son univers aussi autour de lui, il y avait beaucoup d'hommes de son âge qui faisaient le même type de choses avec des jeunes filles comme moi. Donc c'était pas gênant. Je me rappelle aussi d'une anecdote dont il m'avait parlé sur la tribu des Dogons. Et là, il m'avait raconté le fait que c'était très courant que les grands-parents ou les parents apprennent à leurs enfants le sexe et tout ce qui y allait autour. Et bon, quelque part, pour lui, en fait, il le faisait en ce terme-là. C'était pas du tout négatif, il fallait pas que je le prenne comme ça, il fallait que je me laisse aller, c'était pas du tout malsain. Et donc, du coup, ça a commencé le jour de mes 9 ans, parce que ce jour-là, je m'en rappelle. Le premier jour, je m'en rappelle, j'ai même des souvenirs encore très précis. C'était mon anniversaire, il était allé me coucher et me border. Et en fait, il a profité de cet instant-là où on était tout seul pour, dans la chambre pour m'effleurer un peu au niveau de mon sexe, soyons clairs. Et après, il a, voilà, ça s'est prolongé. Et je me suis interdit de dire quoi que ce soit. Il me l'a dit une fois de pas en parler, en fait, pour moi, ça a été ancré. C'est-à-dire, c'est devenu un secret tout de suite. Mais il m'a fait comprendre que les autres ne comprendraient pas, évidemment. Que c'était entre nous, que c'était un grand secret à garder. Le fait que j'étais sa préférée, ça, il n'a pas arrêté de me le répéter. Il a su s'y prendre, hein. Il a eu une très grande emprise sur moi. Il m'a manipulé complètement, de A à Z. Par ses actes de tendresse et d'attention sur moi. Et donc, du coup, quelque part, je pense que je me sentais obligée d'être gentille et de répondre à ses demandes ou ses attentes. Et limite, après, c'est moi qui allais les chercher. Donc là, il avait tout gagné. Je comprends qu'elle m'en en ait pas parlé. Et elle voulait pas nous faire de mal avec ce grand-père qui était adorable, et que, adorable, oui, que tout le monde adorait. Et elle voulait pas me faire du mal, j'imagine que... Enfin oui, c'était ça. Anne, mère de Marie. Mon père était celui qui était très séducteur, que tout le monde aimait beaucoup, que nous, on aimait beaucoup aussi. Enfin, quand je dis nous, les enfants, moi, et ma sœur après, mon petit frère qui est arrivé après, mais... qui travaillait quand il en avait envie, qui était comme un grand enfant, en fait. Et moi, je vivais ça comme ça, et je défendais plutôt mon père. Il me regarda dans les yeux. Il a fait un pas en avant et m'a embrassé sur la bouche. Le mot « inceste » s'est immédiatement formé dans ma tête. J'ai pensé en me le formulant. Ça m'arrive à moi, ça. J'ai jamais pu en parler. Mon père ne m'a jamais menacée. Il n'avait pas besoin. L'emprise était tellement totale qu'il n'avait pas besoin. Vanina. Ce que je sais, c'est que quand j'étais petite, quand je parlais de mon père et de la famille de mon père, parce que vraiment la famille de mon père était incluse, je disais « c'est pourri ». J'avais pas d'autre mot. Je pouvais pas analyser autrement, mais c'était pourri. Et je me souviens de fêtes familiales où systématiquement je me cachais derrière un sofa et j'attendais que les gens se rendent compte que j'étais pas là. Voilà. Donc je voulais pas être là, mais je voulais quand même qu'on voit s'ils se rendaient compte que j'étais pas là. Et je faisais ça que dans cette famille-là, hein. Je faisais pas ça ailleurs. Ailleurs, j'étais une petite fille normale. Enfin, normale. Qui avait toujours des problèmes, qui hurlait, qui tapait et qui était toujours punie. Mais au moins, je faisais pas semblant de pas être là. Et comme tous les enfants qui ont été incestés, en fait, d'abord, tu connais que ça. Donc tu ne le questionnes même pas. C'est comme ça, c'est tout. J'étais dans un univers très, très, très féminin aussi. Il y a très peu de mecs. C'est une famille de femmes du côté de ma mère et tout ça. Enfin, je sais pas. Donc le mec, c'était ça, quoi. J'entrais toujours dans sa logique. Je n'ai jamais fait valoir des arguments contraires aux siens. Même sur des points secondaires. Je gardais mon avis pour moi. J'avais peur d'être une personne en face de lui. Que mon point de vue soit écrasé. Je n'ai jamais eu la force d'exposer une pensée différente. C'était pas obligé. Eden. Mon cousin me disait, je vais te faire un tour de manège. Souvent il me disait, Eden, je te fais un tour de manège, comme ça ce soir, voilà. Et moi, j'étais petite, bah, du coup, j'étais contente du tour de manège, quoi. Je sais pas à quel âge j'avais, donc... C'était plutôt avec des tours de manège, avec du chantage, mais c'était pas du forcing. Je pense que mon père savait, ou voyait, ou sentait Je pense que ma plus grande des sœurs aussi, celle qui a 50 ans aujourd'hui, mais on préfère ne rien dire. On préfère se taire, c'est plus facile. Et sacrifier la personne qui a été abusée. Un enfant qui vient au monde dans une famille où il y a eu de l'inceste. Dorothée Ducy, anthropologue. Il est, même au moment où il ne parle pas encore, même au moment où il est tout petit, même, il va être socialisé dans une famille où on est déjà habitué, où les adultes qui sont autour de lui sont déjà socialisés avec cette grammaire du silence et une injonction à se taire sur les gestes sexuels qui ont été portés par des collatéraux ou par d'autres dans la famille avant l'arrivée au monde de cet enfant. Donc cet enfant et ses frères, ses sœurs, quand l'un d'eux est victime d'inceste, tous ceux qui sont autour, les parents, les oncles, les tantes, donc, les grands-parents, tous ont grandi avec une injonction forte à se taire sur tout ce qui concerne les gestes de l'inceste. Donc c'est ça, ce sera un petit enfant qui aura intériorisé. Alors ça passe par des choses infimes. Là, soit ça passe entre l'incesteur et l'incesté par des menaces. Tais-toi sinon je t'en colle une, ou tais-toi sinon, enfin c'est notre petit secret. Si tu le disais à ta maman, elle serait tellement malheureuse. Bon voilà, des espèces de trucs de culpabilisation comme ça. La plupart du temps, il n'y a même pas besoin de ces phrases-là. Il y a une espèce de choses de non dit, d'implicite. Évidemment, on ne dit pas, toi, tu grandis dans une famille où il y a de l'inceste, donc tu vas te taire, mais les enfants, par mimétisme, s'imprègnent de la silenciation sur les gestes sexuels. Et, parce que les enfants le disent quand même, ils apprennent à se taire, mais ils le disent parce qu'ils n'ont pas envie, parce qu'ils sont dégoûtés, parce qu'ils ont peur, parce que même quand ils en vivent de l'excitation sexuelle, parce que la stimulation des organes génitaux génère de l'excitation, ce qui rend dingue les petits-enfants qui vivent ça, parce qu'ils n'ont pas envie, et en même temps, quelque chose en eux a du plaisir, et c'est des bêtes, c'est atroce. Bon, donc, tous les enfants ont essayé de le dire et l'ont dit à leurs proches un jour ou l'autre. Alors ça, c'est le deuxième effet qui se coule de la famille incestueuse, c'est que, bon, d'abord, on le dit pas, mais quand un jour on arrive à le dire, eh ben, on n'est pas entendu. Ça glisse, ça fait flop. Dans la voiture, j'ai pensé que si elle me posait une question, là, tout de suite, si elle disait quelque chose qui me mette sur la voie, j'essaierais de lui dire ce qui se passait avec mon père. De but en blanc, je n'y arriverai pas. Dans le fond, nous, tout notre imaginaire collectif, toutes nos institutions, et depuis très très longtemps, reposent sur la croyance que la famille est un espace de protection. Marc répond, philosophe. Et donc ce dont l'inceste nous fait prendre conscience, c'est que ce foyer de protection peut être aussi une arme de destruction. Les histoires d'inceste, c'est tout à coup le brusque effondrement de la confiance qu'on mettait dans la famille, dans les proches, comme un espace de protection. Et c'est pour ça que dans l'inceste, le poids du silence est plus terrible que nulle part ailleurs. Parce qu'il y a un redoublement du silence. Parce que le piège est le suivant. Non seulement la famille, cet espace-là nous détruit, mais on se sent pris en otage de cette destruction elle-même, en ne voulant pas du même coup détruire la famille. Je ne trouvais pas les mots qui correspondaient. Ils ne venaient pas. La phrase ne se formait pas. C'est ça qui est terrible. C'est ça qui enferme souvent les victimes d'inceste dans le silence. C'est de prendre la destruction sur soi et de porter en plus la culpabilité d'être peut-être... L'intention était là. Si on parlait... Elle se fracassait sur un vide. La source de la destruction d'un semblant d'harmonie familiale, de foyer familial. J'ai refermé la parenthèse en espérant qu'elle se rouvrirait. Je t'assure. Nos lois, nos codes sociaux et notre loi, enfin, légale, nos codes de juridiction, interdisent en France, en Occident, mais dans toutes les sociétés, que moi, je me marie avec mon père ou que une mère épouse son fils, voilà. Il y a des alliances interdites. C'est vrai, c'est structurant. Il me semble que un des effets immédiats et fonctionnels de l'interdit de l'inceste, c'est de jeter le voile sur la réalité de la pratique de l'inceste. Ça ne doit pas arriver, c'est tout à fait interdit, l'inceste est tout à fait interdit, en théorie, donc ça n'arrive pas. Donc on ne regarde pas, donc on laisse faire, quand même. La façon de penser le tabou de l'inceste, c'est les anthropologues qui nous ont appris à le penser. Ces anthropologues-là, ils commencent à travailler sur ce sujet à la fin du 19e siècle. Ils continuent au 20e siècle avec les travaux de Claude Lévi-Strauss, les structures élémentaires de la parenté. Et eux, en fait, ils ont une vision et une approche particulière de l'inceste. Eux, ils approchent l'inceste comme une sexualité, pas comme une violence. Fabienne Giuliani, historienne. Nous, aujourd'hui, l'inceste, c'est une violence sexuelle. Eux, ils l'approchent comme une sexualité interdite entre parents. Donc eux, déjà, ils vont un peu nous apprendre à avoir une certaine vision de l'inceste. Le mot tabou, c'est un mot qui a été rapporté par James Cook au XVIIIe siècle et qui, à la base, désignait un interdit alimentaire pour les femmes de Polynésie de manger en même temps que les hommes. C'est de là que vient le mot tabou. Et ce sont les anthropologues qui vont le ramener en 1860, enfin qui vont le réécrire en fait, le redéfinir pour le plaquer sur l'interdit de la sexualité incestueuse. Et puis quand même, c'est pas non plus anodin, ces anthropologues-là, quand ils commencent à produire leurs travaux à partir de la seconde moitié du 19e siècle, on est aussi dans un siècle où la protection de l'enfance est en train de prendre de l'importance, où l'enfant commence à apparaître central dans la société, vous avez les associations de protection de l'enfance qui émergent, les mouvements internationaux, et où les pères, justement, qui commettent des violences sur leurs enfants, ou même les mères à certaines échelles, commencent vraiment à faire des titres de la presse. Mais les premiers faits divers de violences incestueuses qui paraissent dans la presse ne prononcent que très très rarement le mot inceste. C'est-à-dire qu'on utilise des périphrases, un misérable, un monstre, aujourd'hui à telle heure, un père dénaturé, a commis le crime le plus honteux, le crime le plus abominable, le crime le plus infâme, enfin, vous trouverez pas inceste, sur son enfant. Cet homme est un fainéant qui ne travaillait pas. Donc on a à peu près tout le résumé de la manière dont l'inceste s'est construit. On va l'associer ça à un père, oui, mais pas n'importe quel père, un père ouvrier, qui ne correspond pas aux idéaux paternels construits par la France du 19e siècle. Il travaille pas, voilà, il est alcoolique. Il a commis un crime infâme, donc on ne nomme pas ce crime. Et c'est un impact important, parce que le fait divers, il est extrêmement lu au 19e siècle. On n'a pas beaucoup de manières de mesurer ça, mais moi j'avais mesuré ça en fait avec les dénonciations. Avant, les gens dénonçaient le crime d'inceste. Et à partir de la fin du 19e siècle, les dénonciations, elles n'arrivent quasiment plus aux procureurs. Les rumeurs publiques commencent à devenir moins fortes lorsqu'il s'agit d'inceste. Après, c'est qu'une hypothèse, mais l'hypothèse, c'est de dire aussi que pourquoi est-ce que les gens ont ce changement d'approche de la violence incestueuse ? Est-ce que c'est pas justement parce que le tabou est en train de se plonger, ou du moins l'idée du tabou, puisque c'est vraiment une idée, bah, l'idée du tabou, l'idée que c'est un crime dont on ne doit pas prononcer le nom, qui est contaminant, qui est dangereux, qui est commis par des monstres, donc il y a l'idée que c'est quelque chose d'exceptionnel, alors que c'est un crime qui est extrêmement fréquent. Donc voilà, on a un peu tout ça qui se diffuse. Hein. Et c'est vrai qu'il y a une petite réaction à la fin du 19e siècle où ils sont peut-être un peu trop mis en avant, la société va un peu se protéger. Enfin, la société, les élites, elles sont masculines. Hein. Donc ces élites-là, elles vont un peu se protéger et elles vont un peu freiner. Et tout va être un peu caché. Les affaires de maltraitance vont moins sortir, les affaires de violence sexuelle vont moins sortir. Les affaires d'inceste, et ben finalement, l'inceste, c'est pas une violence sexuelle, c'est une sexualité prohibée entre adultes. On va aller un peu regarder dans les sociétés, dans les ailleurs, de comment ça a été fait. Donc on a un peu plusieurs éléments comme ça qui s'emboîtent et qui font que les violences incestueuses et les maltraitances à enfants d'une manière générale, elles repassent derrière. Il me semble à moi que une prévalence pour quelque chose du coup qui structure l'ordre social et qui ne doit pas arriver, c'est vraiment le truc hyper interdit, avoir des rapports sexuels avec son fils, sa fille. Bon. Pour un interdit qui est aussi banalement transgressé, 5 à 10% d'une population qui vit les abus sexuels, il faut bien en penser quelque chose structurellement. Ça a bien, alors sans être fonctionnaliste, ça a bien un sens. On peut pas juste considérer que c'est un cumul de faits divers auxquels on peut pas prêter attention. On doit y prêter attention. Comment on réfléchit sur ces mécanismes de silenciation qui sont les mêmes dans toutes les familles où il y a de l'inceste? Eh bien, il me semble à moi que cette prévalence hyper stable à travers le temps, cette grammaire de silenciation, ces mécanismes qui se reconduisent à travers les générations, attestent que la pratique de l'inceste sur une fraction de la population est structurelle de l'ordre social. Et donc, du coup, on dirait, à quoi ça sert, enfin, ou qu'est-ce que ça produit comme effet? Ça produit quelque chose qu'on retrouve dans les familles où il n'y a pas d'inceste, mais qui est paroxystique dans les familles où il y a ces viols répétés, le terreau des rapports de domination. Ce sont des rapports de domination qui sont érotisés et qui passent mieux, justement, et qui se reconduisent parce que c'est érotisé. Alors, érotisé, ça veut dire que, au moins, l'incesteur, l'un des deux, il trouve son compte, il trouve du plaisir. Et donc, cette pédagogie érotisée de l'écrabouillement, c'est ça, l'inceste, sert à inculquer de façon violente, mais massive et radicale, les rapports de domination. Voilà. Il faut bien les apprendre à un moment donné, qu'il y a des subalternes, des dominants, des dominés, parce que on admet tous que la société, elle est organisée sur des rapports asymétriques, non pas de la coopération, pas beaucoup, mais plutôt de la compétition, de la concurrence, des gagnants et des écrabouillés. L'ordre, l'enchaînement technique des scènes, la logique de certains gestes, tel week-end ou tel autre, c'est plus difficile à garantir. Parfois, j'y arrive. Gérard Mer, la bouche, le touquet, le vagin, l'isère, l'anus. La fellation, c'est venu tôt. Il n'y a pas de date. Ça arrive bientôt. C'était entre Gérard Mer et le touquet. J'étais toute petite, en fait. J'avais 5 ans, on avait un lit superposé et en dessous encore un autre lit, moi j'étais tout en dessous. Et je me rappelle que toutes les nuits avant de dormir, je me disais « Eden, tu te comportes bien », alors que j'étais toute petite et je savais même pas pourquoi je me disais ça. « Eden, t'as intérêt à bien te comporter ». Et puis voilà, il venait la nuit et il faisait ce qu'il avait envie. Et le matin, parfois, je pouvais me retrouver sans rien. Sans culotte, ça aussi je m'en rappelle. Donc oui, on se rappelle des petites choses, il y a des choses qui nous restent, mais on ne peut pas se rappeler de tout. Parce que si on se rappelle de tout, on passe par la fenêtre. Façon de parler, c'est une expression pour dire... le cerveau, il fait en sorte de ne pas se rappeler de tout, parce que c'est trop dur. Il y en avait un, il me disait... tiens, mets-toi comme ça, ou bien c'est bon, tu peux remonter ta culotte. Et après, il y a le deuxième frère. Lui, il ne disait rien, mais il y avait mon cousin à côté. Et mon cousin lui disait de faire ça ou ça, et lui, il exécutait. Je me souviens qu'il y avait le rire de mon cousin. Après, il y en avait un autre. Par contre, lui, c'est très, très, très, très, très, très dur d'en parler, mais je vais le faire quand même. Il m'a demandé d'aller chez lui. J'ai été parce qu'on habitait pas loin. Il me demandait de faire ce que lui voulait et je le faisais. J'avais 11 ans, ça je me rappelle. Il me disait « Eden, regarde, il y a un film à la télé, regarde ce qu'ils font, on va faire la même chose. Est-ce que tu peux aller dans la salle de bain et après c'est moi qui y vais ?» Je disais oui comme une idiote. Et je me rappelle qu'il y avait ses sœurs qui étaient dans la chambre juste à côté. Donc il disait « On va faire ça discrètement, comme ça... ils vont pas s'en douter. » Ma mère, c'est assez spécial. Ma mère, je pense qu'aussi, elle l'a vécu. Je sais pas si c'est par sa mère ou par son père, mais je pense plus que c'est par son père, mais je peux pas dire à 100%. Ma mère, c'était tout, souvent dans la douche, elle avait une manière de me laver assez tordue, assez sale. Elle avait une manière, je sais pas comment on dit, pervers, voilà, de me laver en bas, quoi. Ou bien des fois, quand on était dans la maison, quoi, elle avait une manière aussi un peu bizarre de me toucher, même le regard. Voilà, après, il y a eu aussi un petit rappel qui m'a fait quelque chose. C'est il y a quelques années, j'étais chez ma sœur Raya en Israël, je faisais nounou, je gardais tous ses enfants. Et il y a sa fille, elle m'a dit, moi j'aime pas quand c'est mamie qui me lave, parce qu'elle toujours elle me touche le... Voilà, elle me disait ça. Et du coup, ça m'avait fait un électrochoc, quoi. Là, je me suis dit, ah oui, je me fais pas de film, quoi, parce que c'est très dur de penser ça de sa mère. Des autres aussi, c'est sûr, mais de sa mère, donc ça m'avait fait un électrochoc. Il y a les abus sexuels, mais pour moi, à la rigueur, c'était pas... Enfin, c'était absolument traumatisant et tout ça, mais c'était pas le plus dur. Et finalement, en grandissant, et en analysant, et en lisant beaucoup de choses, je me suis dit, effectivement, ce qui m'écrabouillait, c'était son pouvoir et son abus de pouvoir sur nous. Ça veut dire que lorsqu'il dépassait les bornes sexuellement, c'était de la même manière qu'il dépassait les bornes dans toutes les situations de la vie, qu'il nous humiliait systématiquement, mais pour tout. On était des connes, d'ailleurs il nous appelait ses monstres, ses horreurs. Enfin, tous ces petits mots, c'était des mots comme ça. Oui, il m'a vraiment persuadée, et j'en suis malheureusement encore persuadée, que je suis une moins que rien. Donc c'est une lutte tout le temps pour me sentir légitime même de vivre. C'est passé par le sexe, bien sûr, mais on pouvait trouver des situations, dans toutes les situations de la vie, de toutes les manières, il savait mieux que moi, et il m'écrasait avec son savoir. Les mots sont repartis au fond de ma gorge. Le nœud s'est reformé. Je n'ai pas continué. L'inceste, on se dit, oh là là, ça doit être des bouseux qui font pas la différence entre eux, je sais pas quoi et je sais pas quoi. Alors que là, on l'imagine encore moins de la part de gens qui ont les outils intellectuels, qui ont une prestance. Mon père, il avait un charme fou, toutes les nanas tombaient devant lui. Mon père, il n'arrêtait pas de citer Dolto. Il ne l'avait jamais lu, il ne l'avait jamais compris, ou il l'avait lu en diagonale, comme ils font souvent, les énarques. Puis il en sortait la sève, et puis il s'en servait. Le véritable pouvoir. On n'est pas censé avoir ces rapports-là avec son père. Moi, j'ai peur que ça me perturbe. Au contraire, tu dis toujours ça. Et si ça ne se passe pas comme tu dis? Ne t'inquiète pas. Mais ce mec était un gamin qui n'avait pas grandi, qui avait mal grandi, qui avait été élevé par une mère absolument castratrice, avec qui il y avait de toute la manière de l'incestuel, voire de l'inceste, ça j'ai pas encore pu prouver ça. Et voilà, qui ne pouvait qu'être en concurrence avec nous et nous écrabouiller. Je savais qu'il y aurait des dégâts. J'ai gardé tout le week-end l'impression que demain appuyait sur ma glotte. Dès que j'arrivais en bas de chez moi, ou peut-être à un quart d'heure avant, je commençais déjà à être angoissée. Limite, je pouvais faire pipi sur moi, quoi. Tellement que j'étais angoissée, j'avais mon cœur qui battait à 1000 à l'heure. Dès que je rentrais chez moi, je ne les regardais jamais. J'arrivais même pas à les regarder, parce que j'avais peur d'eux. Je pouvais rester aux toilettes pendant des heures, mais juste pour me cacher. On me tapait, on pouvait m'insulter, me cracher. Il n'y avait pas un mot d'affection, un mot d'attention. On ne se touchait même pas, bon, à part sauf pour faire du mal. Briser le silence. Pour ça... Il fallait voir les choses, les savoir, les faire exister dans sa tête, se les représenter mentalement, supporter les images, vivre avec elles, trouver les mots qui leur correspondaient, les exprimer. Mon cousin aussi a été victime d'inceste. Et quand ils étaient petits, mon cousin et ma sœur allaient souvent dans la maison de mon grand-père, l'été. Angèle, sœur de Marie. Il y allait tout le temps. Et moi, je crois que j'ai dû y aller une fois. Mais ma sœur y allait tout le temps. Et je pense que j'étais un peu jalouse de la tendresse particulière que mon grand-père avait pour ma sœur et pour mon cousin. Peut-être que je le voyais moins, mais en tout cas, je sentais ça. Et je pense qu'il y avait quelque chose un peu de... Je me disais, pourquoi il est plus tendre avec ma sœur qu'avec moi? Et on se faisait effectivement dans la famille beaucoup de câlins, mais dans le sens, voilà, on aimait bien se faire des câlins, mais voilà, sans jamais j'aurais pensé que mon grand-père, il faisait d'autres types de câlins avec ma sœur, voilà. Et donc c'est vrai que ça a créé de la confusion dans toute la famille. Après, je pense quand j'avais à peu près 17 ans, je sais plus, et une fois 17 ou 18, j'étais allée déjeuner avec lui, chez lui, et on avait fait une sieste après le repas. Et je pense qu'il a essayé de me caresser. Et là, à ce moment-là, j'avais 17 ans, donc j'étais déjà, j'avais conscience de qu'il y avait un truc qui était pas normal. Donc je sais que ce jour-là, il m'avait caressé dans le dos, où je trouvais pas ça désagréable, mais j'ai vu quand il a commencé à aller plus loin, j'ai tout de suite bloqué le truc et voilà, puis il s'est endormi et puis voilà, il s'est rien passé. Mais je pense que à ce moment-là, j'étais une femme, j'étais une très jeune femme, mais je commençais à... J'avais déjà eu un rapport sexuel, donc bon, je pense que je sentais qu'il y avait un truc pas normal. Il a remis la main sur mon genou. J'ai repris la surveillance. J'ai pensé que la raideur de mes muscles risquait de signaler une appréhension, une tension. J'ai eu peur qu'il s'en aperçoive. Je les ai relâchés. Mes cuisses se sont aplaties normalement sur le siège. J'étais fatiguée. Elles se sont détendues dans mon pantalon serré. La chair s'écrasait sur le tissu. J'ai pensé... Tant pis. Je relâche mes muscles. J'espère qu'il ne voit pas ma chair s'écraser sur le fauteuil. Que ça ne provoque rien en lui, que... Ce n'est pas quelque chose qui l'attire. Poser la question de savoir si un enfant, et même un jeune adolescent, était consentant ou non, ça n'a pas de sens. Parce que c'est minimiser, dans le fond, le fait que céder n'est pas consentir, que céder, c'est faire l'objet d'une force qui s'applique sur vous, que les voies de la domination sont extrêmement complexes, et donc que même un enfant qui peut s'imaginer qu'il consent ne consent pas en réalité. Un enfant qui consent est un enfant qui cède. Il n'y a pas eu de violence en fait, sincèrement, pour moi. Mais c'est une violence en soi, le fait que ce soit un adulte qui fasse à un enfant. Et avec recul, c'est vrai que ça m'a fait bizarre de me dire, mais pas un seul moment, ça m'a paru plus anormal que ça. J'ai même pas pensé à en parler. Et évidemment, tout le monde autour de nous ne se doute pas une seconde de ce qui se passe. Clairement, ma sœur, il l'aurait approchée, elle aurait hurlé dans les deux secondes. Ma sœur, on l'approchait pas, on l'emmerdait pas. Et mon frère, mon grand frère, non plus. Enfin, je veux dire, la petite du milieu, là, qui est en guerre avec son père qui va pas bien, ah bah tiens, on va en profiter. Ce qui s'est passé au moment de la révélation... Antoine. A bien sûr réinterrogé toute cette période qui avait été une période plutôt très heureuse et de revendication de ce modèle familial un peu différent avec ces grandes fêtes de famille qui rassemblaient un peu toutes les générations et puis les amis de toutes les générations et ces grandes fêtes qui se passaient dans notre lieu de vacances familiales. C'était un lieu de fête, de plaisir, qui était quelque chose de revendiqué. Enfin, il y a eu un peu une sidération aussi un sentiment de comment était-il possible qu'on n'ait pas vu, alors que ça se passait sous nos yeux. En fait, ça aurait dû se voir comme le nez au milieu de la figure. L'imaginaire social de l'inceste, dans la première moitié du XXe siècle, vous êtes dans 50 années de silence. C'est-à-dire que le mot est vraiment quasiment plus dans l'espace public. Et ce qui est peut-être intéressant avec cette première moitié du XXe siècle, c'est que même les pères ouvriers vont être protégés. Parce qu'on est quand même dans des sociétés où il y a eu deux guerres mondiales, où on pense que la masculinité est en crise. Il y a des discours comme ça qui émergent de certains hommes qui disent que les hommes sont... qu'on leur a volé leur rôle, qu'on les met mal, etc. Donc il y a des discours masculinistes, en fait, qui émergent dès la fin du 19e siècle, en réponse aux discours féministes aussi. Et donc, là, va y avoir une réaction qui protège tous les pères. Et parallèlement, l'enfant va aussi être attaqué dans cette société. Il y a trois thèses de médecine qui paraissent à la fin du 19e siècle qui vont faire émerger une figure médicale nouvelle qui est la figure de l'enfant menteur. L'enfant vicieux, menteur et pervers. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut voir très concrètement dans les affaires judiciaires où vraiment il y a un basculement entre la fin du 19e et du 20e siècle. Un basculement au niveau de la pénalité, c'est-à-dire que les peines de prison chutent considérablement. On passe des travaux forcés à temps ou à perpétuité à des peines d'emprisonnement de 5 ans en moyenne. Pourquoi ? Parce que c'est encore des crimes, hein ? Tout est jugé en cour d'assises. Donc qui donne la peine en cour d'assises ? C'est des jurés populaires. Et qu'est-ce qui se passe au début du XXe siècle ? Les jurés populaires, ils commencent à attribuer quasiment systématiquement des circonstances atténuantes aux pères qui sont devant les tribunaux. Donc au début du XXe siècle, il y a une indulgence qui apparaît des jurés à l'égard des pères, des oncles, des grands-pères qui sont devant les cours d'assises. Pourquoi ? À la fois parce que les pères vont commencer à développer des discours justificatifs de la frustration sexuelle. Donc ces discours-là qui sont bien reçus, plus le fait qu'en face, l'enfant est considéré comme sujet au mensonge, à l'imagination. Donc une société qui veut plus voir l'inceste dans cette première moitié du XXe siècle. Et après la Seconde Guerre mondiale, il va y avoir les théories de la psychanalyse qui vont vraiment se diffuser auprès des corps médicaux. Et dans des affaires d'inceste où la parole est importante, ces expertises psychiatriques, elles vont dire quoi avec la théorie de Freud ? Elles vont dire que les enfants désirent leurs parents. On va avoir des expertises psychiatriques qui vont expliquer qu'en réalité, l'enfant a séduit son père. C'est vraiment là l'enfant, et donc la question du consentement, elle passe aussi un peu par là. Puisqu'on va vraiment, à partir de la seconde moitié du XXe siècle, après la Seconde Guerre mondiale, on va recréer un peu l'inceste d'Ancien Régime, c'est-à-dire qu'on va un peu dire que l'inceste est une liaison. C'est une liaison entre un père et sa fille, une fille qui cherchait à avoir une liaison avec son père, et d'ailleurs, tout ce qui est pourtant caractéristique de la violence incestueuse va se retourner contre les enfants, c'est-à-dire la durée des relations. Moi, j'ai un expert, en 1954, qui dit « Mais enfin, elle a 22 ans. Elle est violée depuis ses 12 ans. Elle est encore chez son père. » Ça prouve bien que c'est une relation et qu'elle a un désir oedipien pour son père. La longue durée devient une preuve. La jouissance a toujours été considérée comme une preuve du consentement au coït. Mais alors là, ça prend une place très importante. On va beaucoup questionner sur le plaisir ressenti par les enfants, l'amour qu'ils ont pour leurs parents. Mais vous aimez votre papa ? Oui. Ah, donc c'est pas vraiment quelqu'un qui vous a fait du mal. Viens à côté de moi. Et tire un peu les volets. Il a glissé la main sous mon pull. Pourquoi tu fais ça ? Il a chuchoté. Parce que je t'aime, Christine. Ma mère me dit, il faut que tu parles avec ta sœur. Elle est à Rennes, va la voir. Moi, je ne savais pas du tout ce qu'elle allait me dire. Et puis quand on parle le soir, elle me dit, tu sais, avec ton grand-père, on n'a pas toujours eu des relations très catholiques. Elle me le dit comme ça. Comme une espèce de truc. Et je lui dis, oui, c'est évident. Quand elle me le dit, je dis, oui, enfin, pour moi, inconsciemment, je le savais. Voilà. Pour moi, il y avait eu une histoire entre mon grand-père et ma sœur. Je le savais depuis toute petite. Simplement, comment on met des mots sur ça? C'est ça la question du silence aussi, et même elle pensait qu'elle avait vécu une histoire d'amour avec lui. Et d'ailleurs, ce soir où on a parlé, moi, j'ai pas eu la même réaction que ma mère, qui a été transpercée de temps large, comme si tout d'un coup. Moi, j'ai eu une réaction plutôt de dire oui, bah, effectivement, t'as eu cette histoire, je l'ai pas vue comme un crime. Et en fait, c'est après, quand on s'est tous réunis, tous ensemble, qu'on a réalisé la gravité de la situation, que tout d'un coup, on a réalisé, parce que c'est ça la question de l'inceste, en fait, c'est pour ça que ça touche autant de familles, c'est que je pense qu'on sait pas, on sait pas mettre des mots, et on fait croire que c'est de l'amour. Elle a dit le mot avoué. Et elle me dit que, bah, que voilà, que son grand-père, en fait, c'était son premier amour. Et là, ça a été terrible, parce que j'ai tout compris en quelques secondes. Ça m'a traversé partout le corps. C'était comme si j'étais devenue en pierre, ou je sais pas comment dire. C'était horrible. Tout d'un coup, il y a toutes les images qui viennent. Et je me dis, bah oui, mais c'est bien sûr. Quand je pense que moi, je l'ai envoyée, elle a fait une fugue à l'âge de 15 ans, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, il faut qu'elle aille prendre l'air, elle va aller chez son grand-père. On l'a envoyée chez son grand-père. Parce que il est sympa, il lui parle, elle l'écoute. Enfin, il y a une complicité entre eux, donc pas une seconde. Évidemment, tout ça m'est revenu, et plein de choses. Le fait qu'il lui offre de la lingerie pour Noël, alors que voilà, moi je trouvais ça rigolo. J'ai envie de me donner des claques. Tout d'un coup, tout m'est revenu de mon père, qui avait effectivement toujours des histoires avec des femmes beaucoup plus jeunes, qui parlait, parce que moi je l'avais entendu parler des Dogons et de l'éducation sexuelle des enfants par les Dogons, de Lewis Carroll, il était quand même extrêmement branché là-dessus. Mais à ce moment-là, moi je veux, justement, je veux aller tout de suite, je rentre à Paris. Et je vais aller voir mon père, et je vais voir mon père, tout de suite, pour lui demander des explications. Et j'y suis allée, et c'était horrible, horrible. Je me sentais, j'avais la nausée, et il a pas nié. Il m'a dit, oui, mais tu sais, Marie, elle était quand même spéciale, et puis il m'a dit des trucs bizarres, du genre, mais tu sais, ta grand-mère, c'était pas un ange non plus, en parlant de sa mère. Donc, il commence à me parler de lui. Et après, lui, il a vu Marie, il est allé la voir en Bretagne pour lui parler et pour lui dire qu'il l'aimait, enfin que, etc. Qu'il fallait faire attention quand même à ce qu'elle disait, parce que moi j'étais très instable, très dépressive, et que, en gros, un petit coup de culpabilité pour Marie qui risquait de faire que, peut-être, je sais pas, que sa mère allait peut-être se suicider en allant apprendre que son papa chéri avait fait tout ça. Donc ça m'a évidemment encore plus mis en colère. 68, c'est les discours pédophiliques, c'est-à-dire les discours qui sont des discours masculinistes, antiféministes, hein, qui disent grosso modo que les mères couvent trop leurs enfants, et les enfants ont en réalité un désir sexuel, et qu'il n'y a pas de problème à les éduquer sexuellement dès le plus jeune âge. Donc des discours défendus par Duvers, Scherrer, Maznev, supportés par certains médias, à un moment donné, comme Libé a pu publier là-dessus. Ça a un peu nourri les discours de justification des pères, c'est-à-dire que dans les années 80, on trouve des discours de justification des pères qui disent qu'ils ont voulu donner une éducation pédophilique à leur enfant. L'inceste devient une éducation. Cette nouvelle un peu imaginaire de l'inceste, il découle en tout cas de ceux qui ont tenu ces discours-là dans les années 68 et qui appartiennent à un milieu bourgeois, intellectuel, parisien. Mais mai 68, c'est aussi les féministes. C'est aussi le grand moment féministe. Et les féministes, leur combat s'est notamment porté beaucoup sur les violences sexuelles, sur le viol, qui était déjà un problème, puisque la plupart des femmes adultes avaient du mal à faire reconnaître le fait qu'elles aient été violées. Donc c'est le procès d'Aix en 78, Quand même, il a fallu attendre 1980 pour que cette définition du viol émerge comme un acte de pénétration commis par l'un ou l'autre sexe sur l'un ou l'autre sexe. Et ce combat féministe, il aboutit quand même dans les années 80 à l'émergence de la parole des victimes. Parce que dès 86, les victimes, donc Eva Thomas, qui prend la parole à la télévision, le début de la publication des récits autobiographiques de victimes d'inceste, la prise de parole de certaines personnalités qui ont été aussi victimes d'inceste dans leurs mémoires ou dans leurs interviews. Donc quand même, 68, voilà, c'est deux branches. Le moment qu'on connaît en ce moment, c'est d'abord celui de ces voix singulières. Dans le fond, tout ça, on n'en parlerait peut-être pas de la même façon ces dernières années, s'il n'y avait pas eu à la fois le livre de Vanessa Springora, qui est une voix singulière, le livre de Camille Kouchner, qui est également une voix singulière, et bien d'autres encore, le livre, je crois que c'est Sarah Bidball, et La violence du sport, tous ces témoignages qui nous sont arrivés. Donc ça, c'est les voix singulières. Elles changent le regard, et elles commencent à mettre des mots sur ces agressions qu'on connaît. Elles commencent à nous faire prendre conscience du traumatisme que ça signifie, et d'une violence surtout que le temps n'apaise pas. Donc effectivement, de dire que l'inceste, c'est toujours une agression, que c'est un crime sexuel, que c'est un délit, que c'est un viol, ça change évidemment la donne. Et à partir du moment où ces mots rentrent dans le paysage, où on prend l'habitude d'en parler dans ces termes-là, bien évidemment que le seuil de tolérance de la société commence à reculer. Quand j'étais petite, je savais rien du tout. Je ne savais strictement rien du tout. C'est limite la famille incestueuse, ils pensent tous que c'est à peu près normal ce qu'ils font. Alors que non. Mais jusqu'à aujourd'hui, je pense. Hein. Ils sont complètement dans le déni. Ou alors ils savent, mais ils font comme si de rien, parce qu'après, voilà, c'est la honte, quoi. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites j'ai vécu de l'inceste ou vous dites j'ai été violée? Les deux, les trois, les quatre, les dix. Non, les deux. Jusqu'à maintenant, franchement, je disais on m'a fait du mal parce que je n'arrivais pas à prononcer le nom. C'est la première année et c'est le premier mois que j'ai dit ce mot-là de toute ma vie, 34 ans. Même à mes psys, je n'avais jamais dit ce mot-là. Je disais tout le temps on m'a fait du mal. Moi, je pense que ce qu'on est en train de vivre, quand même, qui est un moment très fort, c'est une remise en question radicale de la domination patriarcale. Parce que la domination patriarcale signifie qu'effectivement, le patriarche, le père de famille, a tous les droits sur sa femme, ses enfants, etc. Il règne en maître. Et alors, la forme extrême, la forme la plus perverse de la domination patriarcale, c'est l'inceste. C'est ce que dit très bien Christine Angot. Elle dit, dans le fond, la domination patriarcale culmine dans l'inceste. Et à partir du moment où on décide, ou à partir du moment où il y a un mouvement de fond pour remettre en question la domination patriarcale, il est évident que tout ce que le père de famille, le patriarche, pouvait s'autoriser au nom de cette domination-là, n'est plus regardé de la même façon et peut rentrer sous le coup du regard et de la condamnation publique. Plus personne ne le considérera, je pense, théoriquement, que cette domination patriarcale a tous les droits. Mais avant que, concrètement, dans les existences, dans les foyers, les choses changent réellement, évidemment qu'il faut encore du temps. Mais moi, je veux être optimiste, je veux y croire à ce mouvement-là. J'ai vraiment l'impression, depuis quelques années, de vivre quelque chose que je ne me souviens pas d'avoir vécu avant et qui relève tout simplement de cette forme d'attention, de soins et de secours qu'appelle la vulnérabilité et la mortalité des autres. Dans des travaux précédents, j'ai forgé ce concept de consentement meurtrier, que d'ailleurs j'emprunte à Camus. Et le consentement meurtrier, c'est toutes les transactions que nous faisons avec un principe de responsabilité éthique qui est la responsabilité du soin, du secours et de l'attention qu'exige la vulnérabilité et la mortalité d'autrui. Et finalement, pendant très longtemps, les traumatismes sexuels, les viols, l'inceste, etc., ça faisait partie de ces arrangements-là. Je pense que c'est ce consentement meurtrier-là qui, en ce moment, n'est plus acceptée. Donc, ça veut dire, d'une part, que on a découvert que les traumatismes sexuels, si on ne le savait pas, il était temps de le savoir, c'était une forme de vulnérabilité extrême, qui s'étendait sur toute l'existence, qu'il fallait souvent des décennies pour que les victimes arrivent à en parler. On s'est rendu compte que dans la société, c'était quand même une cause de souffrance majeure, ces traumatismes sexuels. Et du coup, une responsabilité qui est individuelle, qui est collective, c'est-à-dire également étatique, la responsabilité du soin, du secours et de l'attention qu'appelle cette vulnérabilité extrême liée au traumatisme des abus sexuels. Et notre façon de sortir de ce consentement meurtrier-là, c'est ce qui contribue à déplacer le seuil de tolérance. Ça fait du bien quand même, les mouvements féministes, les hashtags MeToo, incest, qui sont, oui, on peut dire une libération de la parole, on peut dire aussi juste un dévoilement. Alors pour qu'il y ait un dévoilement, il faut qu'il y ait en amont des générations de femmes, principalement des femmes, assez peu d'hommes, on peut le dire aussi, qui ont milité, bataillé pour témoigner aussi des viols que ces femmes ont vécu et des violences en général. Le fait qu'il y ait plus de masculinité possible, plus de façons aussi d'être une femme, plus de féminité, et que être le dominant, l'écrabouilleur, ne soit que l'une d'entre elles, peut-être nous permet d'imaginer que parce que donc l'inceste c'est la sexualité, on continuera d'avoir une sexualité, on va pas retirer la sexualité de la vie. Ce qu'on va retirer pour qu'il y ait pas d'inceste, ce sur quoi on doit travailler, c'est l'envie d'écrabouiller. Parce que un homme qui a un rapport sexuel avec son petit garçon ou sa petite fille de 4 ans, c'est quand même pas, ils sont pas pédophiles. Il y en a très peu qui sont pédophiles. Ce sont des gens qui ont une sexualité et qui ont articulé, chevillé à ça, une sexualité qui passe par « tiens, je vais t'écrabouiller et ça va me faire triper voilà. ». S'il y en a moins des comme ça, il y aura moins d'inceste. Et s'il y a plus de dévoilement et plus de travail intérieur, de réparation psychique, j'enverrai tout le monde en psy, moi. C'est essentiel pour ne pas, sans le savoir, à l'insu de soi-même, parce qu'on est compartimenté, parce qu'on est clivé, et du coup on se remet en ménage avec un autre dingo qui va, voilà, en se disant « oh ben celui-là il est chouette » et qui va incester pareil nos enfants et on s'en rendra compte trop tard. Bon, là quand même un travail sur soi-même, psychique, intérieur, de la parole, faire circuler la parole et être séduite, je parle aux femmes, par des gars qui sont pas des Duhamel, pour prendre un exemple que tout le monde connaît, et ben le monde changera aussi. Déceler le patriarcat. Voilà. Que les rapports de domination, que le dominant fasse plus recette. Avec Vanina, Eden, Marie, Anne, Angèle, Antoine, Dorothée Ducy, anthropologue, Fabienne Giuliani, historienne, Marc Répond, philosophe. On tombe inconsciemment sur le même chemin qu'on a vécu. Parce que ça nous rassure un petit peu. J'ai rencontré un homme, je me suis mariée, j'ai eu un enfant. Mais ça n'allait pas trop. Donc j'ai divorcé. C'était beaucoup de violence psychologique. Donc voilà, j'ai eu mon fils un dimanche matin. Le dimanche soir, j'ai commencé à avoir plein de déclics. Et me dire, ouais Eden, qu'est-ce que t'as un fils là, tu peux pas le faire vivre tout ça. Donc plus ça avançait, plus je commençais à comprendre que je prenais conscience que ce que je vivais, c'était de la violence psychologique, que tout ce que j'avais vécu pendant ces 30 ans, c'était beaucoup de violence et que c'était fini, quoi. Je voulais plus de tout ça, et surtout pour mon fils au départ. C'était la série documentaire « L'inceste, la loi du silence ». Je ne pardonne pas, et je n'ai pas pardonné à mon père, et même sur son lit de mort, parce qu'on est allé le voir sur son lit de mort, je ne lui ai pas pardonné, je ne peux pas. Et en fait, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui est pas réglé parce que de toute façon, il y a eu des conséquences après. Moi, j'avais beaucoup de mal, par exemple, à m'occuper d'enfants. J'arrivais pas à prendre mes petits-enfants sur les genoux. Mon petit-fils qui est né à ce moment-là, ça a été très compliqué. Les rapports aussi avec ma belle-fille. Enfin, je me sentais salie, je me sentais pas autorisée, enfin, plus légitime. Et d'une famille alors on dit incestuelle, je sais pas quoi. Et que la seule chose, effectivement, que je pouvais faire, c'est en parler. Et c'est pas avoir de pudeur par rapport à ça. Merci à la documentation de Radio France, à Annie Signoret de la Bibliothèque Centrale de Radio France, Antoine Villose de la Discothèque Centrale. Merci à Laurent Benahim et à toute l'équipe de la Civise. Lecture, Le voyage dans l'Est de Christine Angot par Maëlys Favreau. Prise de son Nicolas Mathias et Olivier Dupré. Coordination Perrine Carvran, Marie-Vonne Abolivier et Anaïs Morales. Depuis le début de ma vie amoureuse, c'est pas simple, ça c'est clair, je peux le reconnaître. Mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, en l'occurrence, avec cette distance de prise par rapport à tout ça et le fait que vraiment ce soit derrière moi, j'en ai marre d'être une victime, quoi. Ça suffit, je suis passée à autre chose. Et c'est plus constructif et c'est plus agréable. Mais je me rends compte que, clairement, inconsciemment, pendant longtemps, j'ai été victime. Je me suis mis dans cette situation, dans mes relations affectives. Parce qu'on se dit que c'est aussi simple comme ça, parce que ça, on connaît. Et qu'être heureux, être bien, on ne connaît pas, on ne sait pas comment on fait. Donc, on se dit, on va rester dans le médiocre et dans le moyen, et puis, quitte à ce que ce soit pas bien pour soi, c'est pas grave, au moins ça, on connaît. Prise de son et mixage, Manuel Couturier. Un documentaire de Johanna Bedeau et Marie-Laure Ciboulet pour la série documentaire. Moi, j'ai pas d'enfant. Et je dis tant mieux. Parce que je pense que si j'avais eu des enfants trop jeunes, peut-être que j'aurais été violente, en tout cas avec eux. Peut-être que maintenant, je pourrais avoir des enfants, mais je suis trop vieille. Mais voilà, j'ai toujours eu cette peur, comme beaucoup de gens, hein, de répéter et tout ça. Voilà. Ce qui a été assez fantastique pour moi, en fait, la découverte de l'amour avec une femme. Et c'est vrai qu'en faisant l'amour à ma première amoureuse, en découvrant le sexe avec une femme, tout d'un coup, j'ai découvert la lune, déjà. Et j'ai découvert la relation, quoi. L'écoute entre deux personnes qui sont vraiment à l'écoute de l'autre, des besoins de l'autre, de ce que l'autre n'aime pas, aime, machin, pour arriver à cette espèce de moment absolument magique, quoi. Qui peut être magique, mais moi, je connaissais pas ça. Je connaissais que quelque chose de violent. LSD pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien ou pour nous écouter au calme, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Anaïs Morales et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter partout et tout le temps, le podcast, sur l'application Radio France et ailleurs, et pour nous parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire, qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Demain, deuxième épisode, Police, Justice, au cœur du déni. Mais en attendant, restez à l'écoute.